Le Lys dans la vallée, chapitre 23. Le surlendemain, par une fraîche matinée d'automne, nous accompagnâmes la comtesse à sa dernière demeure. Elle était portée par le vieux piqueur, les deux Martineau et le mari de Manette. Nous descendîmes par le chemin que j'avais si joyeusement monté le jour où je la retrouvais. Nous traversâmes la vallée de l'Indre pour arriver au petit cimetière du Sachet, pauvre cimetière de village, situé au revers de l'église, sur la croupe d'une colline, et où, par humilité chrétienne, elle voulut être enterrée avec une simple croix de bois noir, comme une pauvre femme des champs, avait-elle dit. Lorsque, du milieu de la vallée, j'aperçus l'église du bourg et la place du cimetière, je fus saisi d'un frisson convulsif. Hélas! Nous avons tous dans la vie un Golgotha, où nous laissons nos 33 premières années en recevant un coup de lance au cœur, en sentant sur notre tête la couronne d'épines qui remplace la couronne de roses. Cette colline devait être pour moi le mont des expiations. Nous étions suivis d'une foule immense, accourue pour dire les regrets de cette vallée où elle avait enterré dans le silence une foule de belles actions. On sut par Manette, sa confidente, que pour secourir les pauvres, elle économisait sur sa toilette quand ses épargnes ne suffisaient plus. C'étaient des enfants nus, habillés, des layettes envoyées, des mères secourues, des sacs de blé payés aux meuniers en hiver pour des vieillards impotents, une vache donnée à propos de quelques pauvres ménages. Enfin, les œuvres de la chrétienne, de la mère et de la châtelaine, puis des dots offertes à propos pour eux unir des couples qui s'aimaient, et des remplacements payés à des jeunes gens tombés au sort, touchantes offrandes de la femme aimante qui disait « Le bonheur des autres est la consolation de ceux qui ne peuvent plus être heureux ». Ces choses comptées à toutes les veillées depuis 3 jours avaient rendu la foule immense. Je marchais avec Jacques et les deux abbés derrière le cercueil. Suivant l'usage, ni Madeleine ni le comte n'étaient avec nous. Ils demeuraient seuls à Clochegourde. Manette voulut absolument venir. « Pauvre madame, la voilà heureuse », entendis-je à plusieurs reprises à travers ses sanglots. Au moment où le cortège quitta la chaussée des Moulins, il y eut un gémissement unanime, mêlé de pleurs, qui semblait faire croire que cette vallée pleurait son âme. L'église était pleine de monde. Après le service, nous allâmes au cimetière, où elle devait être enterrée près de la croix. Quand j'entendais rouler les cailloux et le gravier de la terre sur le cercueil, mon courage m'abandonna. Je chancelai, je priai les deux Martineau de me soutenir, et ils me conduisirent, mourant, jusqu'au château de Sachet. Les maîtres m'offrirent poliment un asile que j'acceptais. Je vous l'avoue, je ne voulus point retourner à Clochegourde. Il me répugnait de me retrouver à Frapelle, d'où je pouvais voir le castel d'Henriette. Là, j'étais près d'elle. Je demeurai quelques jours dans une chambre dont les fenêtres donnent sur ce vallon tranquille et solitaire dont je vous ai parlé. C'est un vaste pli de terrain bordé par des chênes 2 fois centenaires, et où, par les grandes pluies, coule un torrent. Cet aspect convenait à la méditation sévère et solennelle à laquelle je voulais me livrer. J'avais reconnu pendant la journée qui suivit la fatale nuit combien ma présence allait être importune à Clochegourde. Le comte avait ressenti de violentes émotions à la mort d'Henriette, mais il s'attendait à ce terrible événement, et il y avait dans le fond de sa pensée un parti pris qui ressemblait à de l'indifférence. Je m'en étais aperçu plusieurs fois, et quand la comtesse prosternée me remit cette lettre que je n'osais ouvrir, quand elle parla de son affection pour moi, cet homme ombrageux ne me jeta pas le foudroyant regard que j'attendais de lui. Les paroles d'Henriette, il les avait attribuées à l'excessive délicatesse de cette conscience qu'il savait si pure. Cette insensibilité d'égoïste était naturelle. Les âmes de ces deux êtres ne s'étaient pas plus mariées que leur corps. Ils n'avaient jamais eu ces constantes communications qui ravivent les sentiments. Ils n'avaient jamais échangé ni peine ni plaisir, ces liens si forts qui nous brisent par mille points quand ils se rompent, parce qu'ils touchent à toutes nos fibres, parce qu'ils se sont attachés dans les replis de notre cœur, en même temps qu'ils ont caressé l'âme qui sanctionnait chacune de ces attaches. L'hostilité de Madeleine me fermait clochegourde. Cette dure jeune fille n'était pas disposée à pactiser avec sa haine sur le cercueil de sa mère, et j'aurais été horriblement gênée entre le comte qui m'aurait parlé de lui et la maîtresse de maison qui m'aurait marqué d'invincible répugnance. Être ainsi là où jadis les fleurs même étaient caressantes, où les marches des perrons étaient éloquentes, où tous mes souvenirs revêtaient de poésie les balcons, les margelles, les balustrades et les terrasses, les arbres et les points de vue, être haï là où tout m'aimait, je ne supportais point cette pensée. Aussi, dès l'abord, mon parti fut-il pris. Hélas, tel était donc le dénouement du plus vif amour qui jamais ait atteint le cœur d'un homme. Aux yeux des étrangers, ma conduite allait être condamnable, mais elle avait la sanction de ma conscience. Voilà comment finissent les plus beaux sentiments et les plus grands drames de la jeunesse. Nous partons presque tous au matin, comme moi de Tours pour Clochegourde, nous emparant du monde, le cœur affamé d'amour. Puis, quand nos richesses ont passé par le creuset, quand nous nous sommes mêlés aux hommes et aux événements, tout se rapetisse insensiblement. Nous trouvons peu d'or parmi beaucoup de cendres. Voilà la vie telle qu'elle est, de grandes prétentions, de petites réalités. Je méditais longuement sur moi-même, en me demandant ce que j'allais faire après un coup qui fauchait toutes mes fleurs. J'ai résolu de m'élancer vers la politique et la science, dans les sentiers tortueux de l'ambition, d'ôter la femme de ma vie et d'être un homme d'État, froid et sans passion, de demeurer fidèle à la sainte que j'avais aimée. Mes méditations allaient à perte de vue, pendant que mes yeux restaient attachés sur la magnifique tapisserie des chaînes dorées, aux cimes sévères, aux pieds de bronze. Je me demandais si la vertu d'Henriette n'avait pas été de l'ignorance, si j'étais bien coupable de sa mort. Je me débattais au milieu de mes remords. Enfin, par un suave midi d'automne, un de ces derniers sourires du ciel, si beau en Touraine, je lus sa lettre que, suivant sa recommandation, je ne devais ouvrir qu'après sa mort. Jugez de mes impressions en la lisant. Lettre de Madame de Mortsauf au vicomte Félix de Vandenesse. Félix, ami trop aimé, je dois maintenant vous ouvrir mon cœur, moins pour vous montrer combien je vous aime que pour vous apprendre la grandeur de vos obligations en vous dévoilant la profondeur et la gravité des plaies que vous y avez faites. Au moment où je tombe harassé par les fatigues du voyage, épuisé par les atteintes reçues pendant le combat, heureusement la femme est morte, la mère seule a survécu. Vous allez voir, cher, comment vous avez été la cause première de mes maux. Si plus tard je me suis complaisamment offerte à vos coups, aujourd'hui je meurs atteinte par vous d'une dernière blessure. Mais il y a d'excessives voluptés à se sentir brisée par celui qu'on aime. Bientôt les souffrances me priveront sans doute de ma force. Je mets donc à profit les dernières heures de mon intelligence pour vous supplier encore de remplacer auprès de mes enfants le cœur dont vous les aurez privés. Je vous imposerai cette charge avec autorité si je vous aimais moins, mais je préfère vous la laisser prendre de vous-même par l'effet d'un saint repentir, et aussi comme une continuation de votre amour. L'amour ne fut-il pas en nous constamment mêlé de repentantes méditations et de craintes expiatoires? Et je le sais, nous nous aimons toujours. Votre faute n'est pas si funeste par vous que le retentissement que je lui ai donné au-dedans de moi-même. Ne vous avais-je pas dit que j'étais jalouse, mais jalouse à mourir? Eh bien, je meurs. Consolez-vous, cependant. Nous avons satisfait aux lois humaines. L'Église, par une de ses voix les plus pures, m'a dit que Dieu serait indulgent à ceux qui avaient immolé leur penchant naturel à ses commandements. Mon aimé, apprenez donc tout, car je ne veux pas que vous ignoriez une seule de mes pensées. Ce que je confierai à Dieu dans mes derniers moments, vous devez le savoir aussi, vous, le roi de mon cœur, comme il est le roi du ciel. Jusqu'à cette fête donnée au duc d'Angoulême, la seule à laquelle j'ai assisté, le mariage m'avait laissé dans l'ignorance qui donne à l'âme des jeunes filles la beauté des anges. J'étais mère, il est vrai, mais l'amour ne m'avait point environnée de ses plaisirs permis. Comment suis-je restée ainsi? Je n'en sais rien. Je ne sais pas davantage par quelle loi tout en moi fut changé dans un instant. Vous souvenez-vous encore aujourd'hui de vos baisers? Ils ont dominé ma vie. Ils ont sillonné mon âme. L'ardeur de votre sang a réveillé l'ardeur du mien. Votre jeunesse a pénétré ma jeunesse. Vos désirs sont entrés dans mon cœur. Quand je me suis levée, si fière, j'éprouvais une sensation pour laquelle je ne sais de mots dans aucun langage, car les enfants n'ont pas encore trouvé de paroles pour exprimer le mariage de la lumière et de leurs yeux, ni le baiser de la vie sur leurs lèvres. Oui, c'était bien le son arrivé dans l'écho, la lumière jetée dans les ténèbres, le mouvement donné à l'univers. Ce fut du moins rapide comme toutes ces choses, mais beaucoup plus beau, car c'était la vie de l'âme. Je compris qu'il existait je ne sais quoi d'inconnu pour moi dans le monde, une force plus belle que la pensée. C'était toutes les pensées, toutes les forces, tout un avenir dans une émotion partagée. Je ne me sentis plus mère qu'à demi. En tombant sur mon cœur, ce coup de foudre y alluma des désirs qui sommeillaient à mon insu. Je devinais soudain tout ce que voulait dire ma tante quand elle me baisait sur le front en s'écriant « Pauvre Henriette !» En retournant à Clochegourde, le printemps, les premières feuilles, le parfum des fleurs, les jolis nuages blancs, l'Indre, le ciel, tout me parlait un langage jusqu'alors incompris et qui rendait à mon âme un peu du mouvement que vous aviez imprimé à mes sens. Si vous avez oublié ces terribles baisers, moi je n'ai jamais pu les effacer de mon souvenir. J'en meurs. Oui, chaque fois que je vous ai vu depuis, vous en ranimiez l'empreinte. J'étais émue de la tête aux pieds par votre aspect, par le seul pressentiment de votre arrivée. Ni le temps, ni ma ferme volonté n'ont pu dompter cette impérieuse volupté. Je me demandais involontairement, que doivent être les plaisirs? Nos regards échangés, les respectueux baisers que vous mettiez sur mes mains, mon bras posé sur le vôtre, votre voix dans ses tons de tendresse, enfin les moindres choses me remuaient si violemment que presque toujours il se répandait un nuage sur mes yeux. Le bruit des sens révoltés remplissait alors mon oreille. Ah, si dans ces moments où je redoublais de froideur, vous m'eussiez prise dans vos bras, je serais morte de bonheur. J'ai parfois désiré de vous quelque violence, mais la prière chassait promptement cette mauvaise pensée. Votre nom, prononcé par mes enfants, m'emplissait le cœur d'un sang plus chaud qui colorait aussitôt mon visage, et je tendais des pièges à ma pauvre Madeleine pour le lui faire dire tant j'aimais les bouillonnements de cette sensation. Que vous dirais-je? Votre écriture avait un charme. Je regardais vos lettres comme on contemple un portrait. Si dès ce premier jour vous aviez déjà conquis sur moi je ne sais quel fatal pouvoir, vous comprenez, mon ami, qu'il devint infini quand il me fut donné de lire dans votre âme. Quels délices m'inondèrent en vous trouvant si pure, si complètement vraie, douée de qualités si belles, capable de si grandes de choses et si éprouvée. Homme et enfant, timide et courageux. Quelle joie quand je nous trouvais sacrés tous deux par des communes souffrances. Depuis cette soirée où nous confiâmes l'un à l'autre, vous perdre pour moi, c'était mourir. Aussi vous ai-je laissé près de moi par égoïsme. La certitude qu'eut monsieur de la Berge de la mort que me causerait votre éloignement le toucha beaucoup, car il lisait dans mon âme. Il jugea que j'étais nécessaire à mes enfants, au comte. Il ne m'ordonna point de vous fermer l'entrée de ma maison, car je lui promis de rester pure d'action et de pensée. « La pensée est involontaire, me dit-il, mais elle peut être gardée au milieu des supplices. « Si je pense, lui répondis-je, tout sera perdu. Sauvez-moi de moi-même. Faites qu'il demeure près de moi et que je reste pure. » Le bon vieillard, quoique bien sévère, fut alors indulgent à tant de bonne foi. « Vous pouvez l'aimer comme on aime un fils, en lui destinant votre fille, me dit-il. J'acceptai courageusement une vie de souffrance pour ne pas vous perdre, et je souffris avec amour en voyant que nous étions attelés au même joug. Mon Dieu, je suis restée neutre, fidèle à mon mari, ne vous laissant pas faire un seul pas, Félix, dans votre propre royaume. La grandeur de mes passions a réagi sur mes facultés. J'ai regardé les tourments que m'infligeait M. de Mortsouf comme des expiations, et je les endurais avec orgueil pour insulter à mes penchants coupables. Autrefois, j'étais disposée à murmurer, mais depuis que vous êtes demeurée près de moi, j'ai repris quelques gaietés dont M. de Mortsouf s'est bien trouvé. Sans cette force que vous me prêtiez, j'aurais succombé depuis longtemps à ma vie intérieure que je vous ai racontée. Si vous avez été pour beaucoup dans mes fautes, vous avez été pour beaucoup dans l'exercice de mes devoirs. Il en fut de même pour mes enfants. Je croyais les avoir privés de quelque chose et je craignais de ne faire jamais assez pour eux. Ma vie fut dès lors une continuelle douleur que j'aimais. En sentant que j'étais moins mère, moins honnête femme, le remords s'est logé dans mon cœur. Et craignant de manquer à mes obligations, j'ai constamment voulu les outrepasser. Pour ne pas faillir, j'ai donc mis Madeleine entre vous et moi, et je vous ai destinés l'un à l'autre, en m'élevant ainsi des barrières entre nous deux. Barrières impuissantes. Rien ne pouvait étouffer les tressaillements que vous me causiez. Absent ou présent, vous aviez la même force. J'ai préféré Madeleine à Jacques, parce que Madeleine devait être à vous. Mais je ne vous cédais pas à ma fille sans combat. Je me disais que je n'avais que 28 ans quand je vous rencontrais, que vous en aviez presque 22. Je rapprochais les distances, je me livrais à de faux espoirs. Oh mon Dieu, Félix, je vous fais ces aveux afin de vous épargner des remords, peut-être aussi afin de vous apprendre que je n'étais pas insensible, que nos souffrances d'amour était bien cruellement égale, et qu'Arabelle n'avait aucune supériorité sur moi. J'étais aussi une de ces filles de la race déchue que les hommes aiment tant. Il y eut un moment où la lutte fut si terrible que je pleurais pendant toutes les nuits. Mes cheveux tombaient. Cela, vous les avez eus. Vous vous souvenez de la maladie que fit M. de Mortsouf. Votre grandeur d'âme d'alors, loin de m'élever, m'a repetissé. Hélas, dès ce jour, je souhaitais me donner à vous comme une récompense due à tant d'héroïsme. Mais cette folie a été courte. Je l'ai mise aux pieds de Dieu pendant la messe à laquelle vous avez refusé d'assister. La maladie de Jacques et les souffrances de Madeleine m'ont paru des menaces de Dieu qui tiraient fortement à lui la brebis égarée. Puis votre amour si naturel pour cette Anglaise m'a révélé des secrets que j'ignorais moi-même. Je vous aimais plus que je ne croyais vous aimer. Madeleine a disparu. Les constantes émotions de ma vie orageuse, les efforts que je faisais pour me dompter moi-même sans autre secours que la religion, tout a préparé la maladie dont je meurs. Ce coup terrible a déterminé des crises sur lesquelles j'ai gardé le silence. Je voyais dans la mort le seul dénouement possible de cette tragédie inconnue. Il y eut toute une vie emportée, jalouse, furieuse, pendant les 2 mois qui se sont écoulés entre la nouvelle que me donna ma mère de votre liaison avec Lady Dudley et votre arrivée. Je voulais aller à Paris. J'avais soif de meurtre. Je souhaitais la mort de cette femme. J'étais insensible aux caresses de mes enfants. La prière, qui jusqu'alors avait été pour moi comme un baume, fut sans action sur mon âme. La jalousie a fait la large brèche par où la mort est entrée. Je suis restée néanmoins le front calme. Oui, cette saison de combat fut un secret entre Dieu et moi. Quand j'ai bien su que j'étais aimée autant que je vous aimais moi-même et que je n'étais trahie que par la nature et non par votre pensée, j'ai voulu vivre et il n'était plus temps. Dieu m'avait mis sous sa protection, pris sans doute de pitié pour une créature vraie avec elle-même, vraie avec lui, et que ses souffrances avaient souvent amené aux portes du sanctuaire. Mon bien-aimé, Dieu m'a jugé. Monsieur de Mortsouf me pardonnera sans doute, mais vous, serez-vous clément? Écouterez-vous la voix qui sort en ce moment de ma tombe? Réparerez-vous les malheurs dont nous sommes également coupables, vous moins que moi peut-être? Vous savez ce que je veux vous demander. Soyez auprès de Monsieur de Mortsouf comme est une sœur de charité auprès d'un malade. Écoutez-le, aimez-le. Personne ne l'aimera. Interposez-vous entre ses enfants et lui comme je le faisais. Votre tâche ne sera pas de longue durée. Jacques quittera bientôt la maison pour aller à Paris auprès de son grand-père et vous m'avez promis de le guider à travers les écueils de ce monde. Quant à Madeleine, elle se mariera. Puissiez-vous un jour lui plaire? Elle est tout moi-même et de plus, elle est forte. Elle a cette volonté qui m'a manqué, cette énergie nécessaire à la compagne d'un homme que sa carrière destine aux orages de la vie politique, elle est adroite et pénétrante. Si vos destinées s'unissaient, elle serait plus heureuse que ne le fut sa mère. En acquérant ainsi le droit de continuer mon œuvre, à Clochegourde, vous effaceriez des fautes qui n'auront pas été suffisamment expiées, bien que pardonnées au ciel et sur la terre, car il est généreux et me pardonnera. Je suis, vous le voyez, toujours égoïste, mais n'est-ce pas la preuve d'un despotique amour? Je veux être aimée par vous dans les miens. N'ayant pu être à vous, je vous lègue mes pensées et mes devoirs. Si vous m'aimez trop pour m'obéir, si vous ne voulez pas épouser Madeleine, vous verrez du moins au repos de mon âme en rendant M. de Mortsouf aussi heureux qu'il peut l'être. Adieu, cher enfant de mon cœur. Ceci est l'adieu complètement intelligent, encore plein de vie, l'adieu d'une âme où tu as répandu de trop grandes joies pour que tu puisses avoir le moindre remords de la catastrophe qu'elles ont engendrée. Je me sers de ce mot en pensant que vous m'aimez, car moi j'arrive au lieu du repos, immolé au devoir et ce qui me fait frémir, non sans regret. Dieu saura mieux que moi si j'ai pratiqué ces saintes lois selon leur esprit. J'ai sans doute chancelé souvent, mais je ne suis point tombée, et la plus puissante excuse de mes fautes est dans la grandeur même des séductions qui m'ont environnée. Le Seigneur me verra tout aussi tremblante que si j'avais succombé. Encore adieu, un adieu semblable à celui que j'ai fait hier à notre belle vallée au sein de laquelle je reposerai bientôt. Et où vous reviendrez souvent, n'est-ce pas, Henriette? Je tombais dans un abîme de réflexion en apercevant les profondeurs inconnues de cette vie alors éclairée par cette dernière flamme. Les nuages de mon égoïsme se dissipèrent. Elle avait donc souffert autant que moi, plus que moi, car elle était morte. Elle croyait que les autres devaient être excellents pour son amie. Elle avait été si bien aveuglée par son amour qu'elle n'avait pas soupçonné l'inimitié de sa fille. Cette dernière preuve de sa tendresse me fit bien mal. Pauvre Henriette, qui voulait me donner Clochegourde et sa fille.